Bon, je sais pas quoi faire, en fait. Vous avez des idées ? Bon, je peux vous proposer du français. Michel Berger, vous aimez pas, hein ? Je sais pas si vous aimez ça. Il y a plus d'un Alors attends. C'est ça. Oh là là, c'est quoi ça? Il y a tant de vagues de fumée. Michel Berger. Tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Oh, mais comment on fait ça? Je l'ai pas envoyé les accords. Si? Je sais pas combien il faut de mesures. Il n'y a pas assez de mesures là, non? Attends, ça fait. Il y a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer. Ok. D'accord. Je respecte. C'est une chanson que. Bon, c'est pas grave.